Analyse du 1er septembre 2023. Thierry Pirlo, Sherpa One. Dissonance cognitive versus grand réveil. Est-on à l'abri de la dissonance cognitive? Dans ma vision des choses, il suffit simplement de s'en affranchir. Les dissonants cognitifs le sont parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent inconsciemment dans une matrice qui les maltraite en permanence. La dissonance est minutieusement entretenue par cette matrice, via les mainstreams. Celui qui se rend compte des bugs permanents décide de remettre en question chaque information, fait ses propres recherches et finit par sortir de cette dissonance, à l'instar de Neo dans Matrix, qui voit au travers des lignes de code. Ces lignes de code qui distribuent mensonges et vérités, ou tout simplement réalité et fiction. Le véritable éveil consiste à sortir complètement de la dissonance cognitive, à ne pas confondre avec l'éveil sur le danger des vaccins, qui n'est que la partie émergée de l'iceberg du mensonge. Le vrai éveil ne fait pas plaisir à l'ego, ni à l'orgueil. Nous sommes des petits pandawans dans cette résistance et nous allons tous vers cet éveil, quelles que soient nos croyances. On ne peut plus faire semblant d'être éveillé ou d'être sur ce chemin de l'éveil. On ne peut plus faire semblant de comprendre les choses. On les comprend instinctivement ou pas. L'intellect fait le tri pour qu'une dissonance de deuxième niveau ne puisse pas s'installer par le biais des infos. Et c'est là que ça se complique, car l'information, la désinformation et la contre-information sont telles qu'on peut encore se faire avoir sur ce chemin de l'éveil. Je parle de tous ces pseudo-résistants scientifiques qui se posent en sauveur, en qui nous avions confiance depuis le début et qui, au fil du temps, montrent leur vrai visage. Deux niveaux de dissonance et donc deux niveaux de résistance. La deuxième qui voit ce que la première ne voit pas. Mais qu'est-ce que la dissonance cognitive? Définition. C'est le fait pour un individu d'agir en contradiction avec ses propres cognitions ou connaissances primitives. Il se retrouve alors dans un état psychologique inconfortable, voire douloureux. Les individus cherchent alors à limiter ce conflit interne en trouvant des justifications à leur comportement. Dans ces conditions, pas évident de s'éveiller ou d'avoir le courage de le faire. Pour se protéger de la dissonance cognitive une fois qu'on en est sorti, soit à peu près pour un quart des gens, il faut agir comme un soldat, puisque nous sommes dans une guerre cognitive. Laissez tomber l'émotionnel, le rationnel et tout raisonnement logique et confortable qui nous évite le jugement de nos congénères. Une fois cette barrière tombée, lorsqu'on n'a plus peur d'être jugé, moqué ou encore calomnié, la vision s'éclaircit et le cerveau peut enfin s'orienter tous azimuts sans se priver des raisonnements hors chemin. La dissonance entretient cet inconfort intellectuel qui nous évite de prendre des risques, exactement à l'inverse de ce que je fais en vous parlant dans cette analyse. Chez moi, le processus a pris du temps, comme pour toute personne qui travaille et s'occupe de sa famille. Mais les multiples épreuves de mes 15 dernières années ont accéléré grandement ce process, comme des électrochocs, à chaque fois plus puissants. Décès de la mère de mes enfants, dépôt de bilan, dettes, accidents multiples avec de longues périodes d'hospitalisation, pour terminer par un divorce et la perte de ma maison. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Tout cela, donne à réfléchir et force à l'introspection. Suis-je responsable? Ou est-ce mon destin, mon chemin de vie ou de croix? En sortant de la dissonance cognitive, on voit également les choses différemment et on les analyse beaucoup plus rapidement à la sortie, de façon plus instinctive aussi. Ce sont des signes de l'éveil. Concernant mon regard sur le monde, je dirais qu'il faut comprendre les humains tels qu'ils sont, sans intellectualiser le débat. Il est préférable de rester froid et à distance des situations pour pouvoir les analyser correctement et dompter la peur qu'elles génèrent. Il faut également appliquer le principe de précaution en permanence et faire la balance bénéfice-risque pour toute chose et avant toute décision. C'est cela, devenir un soldat de la vie. Comprendre que nous sommes en guerre avec une autre race, ce que les dissonants ne réalisent pas encore. Cela nous permet de survivre en anticipant à chaque instant. Sortir de cet état de dissonance, c'est savoir dire non et ne plus dépendre des autres, ni de tous ceux qui ne nous comprennent pas, ne plus craindre la solitude, ni l'ostracisme, et au contraire en faire une force. Car il faut bien avoir à l'esprit qu'un grand cataclysme humain aurait dû avoir lieu. Personne n'en a réellement pris conscience, ni compris la portée, même chez les résistants. 7 milliards d'humains devaient dégager, non pas d'ici 2030, mais d'ici la fin du siècle. Avec une Hillary Clinton en tant qu'exécutrice à la place de Trump, le carnage aurait déjà commencé, avec probablement 1 à 2 milliards de morts à l'aube de 2025. Ils avaient prévu la Troisième Guerre mondiale, une épidémie de type Marburg ou une autre saloperie bactérienne, et une famine à l'échelle planétaire. À cette heure, on passerait notre temps à enterrer nos morts et à prier pour qu'un sauveur se pointe, même s'il venait pour nous esclavagiser à nouveau. Un sauveur appelé Nouvel Ordre Mondial. C'était la fin de notre monde. Au lieu de cela, on discute sur WhatsApp. On fait des restos entre amis. On discute du nouveau variant et d'une hypothétique vaccination obligatoire qui n'arrive toujours pas depuis 3 ans qu'on nous la promet. À ce jour, une infime minorité de la population a conscience que ce miracle a eu lieu et qu'on le doit à cette alliance militaire mondiale. Cependant, l'affaire n'est pas terminée. Et même si cet abattage massif n'aura pas lieu, n'en déplaise aux dissonants cognitifs, convaincus de l'arrivée du nouvel ordre mondial, une sélection naturelle va s'opérer inéluctablement et à dessein dans les prochaines années. La nature, ayant horreur du vide, va reprendre ses droits rapidement et combler les chaînons manquants grâce aux élus que sont les non-injectés, les seuls encore aptes à se reproduire. Même s'ils portent la responsabilité de la mort de 80 millions d'homosexuels et d'Africains, Luc Montagnier avait raison sur la fin, en nous disant que les non-vax sauveraient le monde de la science et de la cupidité des hommes. À notre époque, il y a 2 sociétés, ou plutôt 2 humanités, l'une en dissonance cognitive sévère, et l'autre en voie d'apaisement sur le chemin de la compréhension, même s'il reste encore beaucoup à parcourir pour la plupart d'entre nous, moi y compris. L'Alliance humaine a choisi ceux qui iront vers un monde meilleur, celui de l'âge d'or qui nous attend prochainement. Nous avons tous fait un choix d'âme pour vivre cette époque. Certains l'ont fait pour vivre l'expérience du nouveau monde, d'autres pour nous permettre d'y accéder. C'est pour cette raison que même s'il est bon d'être empathique, il ne faut pas être triste à l'excès ou à s'en rendre malade pour tous ces enfants voués au trafic sexuel, pour les handicapés, les cancéreux ou encore les injectés par leurs parents, car ils ont fait ce choix karmique, même s'ils ne s'en souviennent pas. C'est une expérience pour chacun d'entre nous, que l'on soit une jeune âme ou une vieille âme. Néanmoins, l'empathie est à mon sens la manifestation de cette âme, contrairement à tous ceux qui en semblent dépourvus, ces portails organiques ou PO à conscience collective, et qui sont des personnes déconnectées de leur âme. J'ai moi-même été volontaire pour cette vie d'épreuve et pour remplir cette mission, ici et maintenant, comme nous tous. En avoir conscience signe en quelque sorte notre débranchement de cette matrice et la sortie de la dissonance cognitive. Le plus important n'est pas de savoir comment se protéger de la dissonance cognitive, mais plutôt comment en sortir définitivement. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a réellement deux humanités parallèles et pourquoi dans toutes les familles nous avons des moutons blancs et quelques moutons noirs, je vous invite à lire et à écouter Iso, une Canadienne, sur le testament d'Adam et les deux humanités. C'est une vidéo de 15 minutes sous l'article à lire également. Et vous comprendrez très vite à laquelle des deux humanités vous appartenez, cher Pawan.